Sur le quai, César marche toujours. Qu'est-ce qu'il a comme ça à se promener tout le temps? Tu vois pas qu'il attend le facteur? Comme tous les matins. Oui, oh, et tous les soirs, il attend tout le temps. C'est donc ça. Son fils lui écrit une lettre tous les jours. Et alors, peu cher, il se languit de la voir. Mais moi, je crois plutôt qu'il se languit d'avoir la première. Et que son fils lui a pas encore écrit. Tout juste. Et la petite Fanny, c'est la même chose. Elle attend, elle aussi, le facteur. Là, c'est là, peu cher, alors. Elle va sûrement mourir d'estrancier. Et ils vont mourir tous les deux. Bah, sûrement le chauffeur a raison. Son fils n'a pas encore écrit. Et ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'il ne veut en parler à personne. Voilà le pire. Mais naturellement, il se garde tout son chagrin sur l'estomac. Alors ça fermente, ça se gonfle et ça l'étouffe. Au fond, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire en sortir. Tu as raison, Félix. Moi, je suis sûr que si nous en parlait, ça le soulagerait, ça lui dégagerait le cerveau. En somme, tu veux lui ouvrir la soupape pour lâcher un peu de vapeur et diminuer la pression. C'est ça. Il faut provoquer ses confidences. Ah, ça ne sera pas facile. Non, on peut toujours essayer. Oh, après tout, il ne nous mangera pas. Et dans 8 jours, ce serait trop tard. Honoré, tu as raison. Il va gueuler, il va faire un scandale, il va peut-être tout casser, mais tant pis. Hésiter une seconde, ce serait une lâcheté. Ouais. Nous devons le faire. Ouais. Nous allons le faire. Vas-y, Honoré. Moi? Et pourquoi pas? Bon, j'y vais. Tu me soutiendras. Compte sur moi. Alors on y va. Panis se lève et marche résolument vers César.